de par sa bouche, du rouge sur sa bouche, leur apportait à boire. Dans leur lit chaque soir. Pendant que moi en bas, je me rongeais les doigts. Mais qu'est-ce que tu fais là? Et permet des voyages sans ouvrir.